Chapitre 7e. On approchait de l'été qui n'était finalement que l'ombre du printemps. On approchait de la fin de la guerre, de l'été qui n'était finalement que l'ombre du printemps. C'était le temps des chatons sevrés, celui du pillage. On vandalisait même les hôpitaux. Le sang coulait comme du vin capiteux, éclaircissant le blanc de l'œil des soldats. Dehors, le mâle roux, aux yeux crevés, aux oreilles en dentelle, rôdait. J'avais aperçu l'éclat fugitif de sa fourrure rousse parmi le colza chaud. Le chat délaissait Paul, comme il aurait délaissé ses chatons sevrés. Les feuilles se reflétaient dans l'écorce un peu rougie des cerisiers. À la télévision, la guerre avait presque disparu. Les nuits claires résonnaient des râles rauques des matous. Le chat avait oublié ma présence, ma peau nue sentait son absence. Il s'était dressé soudain sur son séant, droit, blanc contre la nuit, écoutant, oreilles dilatées vers l'appel, tout comme les feuilles se tendaient désormais vers le ciel. J'entendais des griffes sur les écorces des cerisiers, puis une mêlée brusque de cris se déchirant jusqu'à la mort. Même si la guerre s'achevait, se déroulaient toujours des événements graves. Très sérieux, le présentateur poussait le front en avant en guise de bouclier. Ses yeux se dilataient toujours de façon tragique pour annoncer des calamités. Guerre ou pas, c'était toujours dramatique. Avec la canicule, les éleveurs se plaignaient de la chaleur, les poules avaient si chaud qu'elles ne grossissaient pas assez. Pourtant, je continuais de regarder. D'où venait ce besoin de superposer les images dans mon quotidien? Ainsi faisais-je se chevaucher trois mondes, en chaque point de mon existence. L'univers intérieur, ce que je pense, en dit, celui qui m'est extérieur, le sensible, ce que je vois, ressens. Enfin, un dernier venu s'ajoutait, celui des médias, des images. La jonction entre ces trois univers crée le globe de soi, cet espace où voltigent des pensées à peine formées, aveugles, bourdonnantes, qui se percutent les unes les autres, comme ces papillons duveteux affolés dans les pinceaux de lumière. En superposant les trois, peut-être puis-je parvenir à un résultat proche de la trame complexe de la réalité. Plus j'observe Paul et le chat, plus je conçois différemment la guerre et ses images. De toute façon, en moins de n'avoir tellement de facettes, que je préfère en choisir moi-même les angles, les images, au travers du printemps, ou reflétées par les yeux neufs de Paul. Durant ces deux mois d'images, je n'ai retracé que celles qui m'ont le plus marqué. Ce qui compte, c'est leur silence absolu, leur influence sur la façon d'écrire sur Paul et le chat. Ainsi, cette permanence de treillis kaki ondulant dans les déserts poudreux me fit-elle accentuer davantage le vert des yeux du chat, ajouté des feuilles de menthe. Jamais je n'ai autant remarqué le vert puissant du printemps, insultant les premiers bleus du ciel. De même, le rouge du sang me renvoie au bleu des yeux de Paul. Car le rouge n'est qu'un bleu qui a souffert. La souffrance se rattache à tout, s'accroche partout, se reflète dans les yeux bleus myosotis d'un bébé de Mars. Enfin, si ces images ne sont pas retracées chronologiquement, c'est que leur ordre n'a pas d'importance. Elles apparaissent avec les premiers bourgeons, puis les pétales des cerisiers en fleurs, enfin les feuilles faisant de l'ombre à la dentelle des arbres fleuris. Parce que tout est lié. Tour à tour, je me sens Paul, le chat. L'innocence d'un bébé, la culpabilité d'une mère. À la fois la grandeur du printemps, l'horreur de la guerre. Toutes les existences teignent, déteignent les unes sur les autres. Elles sont plusieurs fils du même tissu, de la même étoffe chatoyante. Herbe chaude sous les coussinets, pieds nus de Paul. Les feuilles luisaient dans l'écorce rougie des cerisiers. Depuis le début de l'été, le chat avait ce don de jaillir dans l'herbe pour disparaître aussitôt comme le reflet du soleil sur le vert lisse des feuilles. Dans l'herbe qui commençait à jaunir, le chat gardait une dépouille de crapaud. Pour la première fois, je remarquai sa crinière, son mufle avide. Ses joues, que le vent tirait en arrière, que dorait le soleil, dessinaient des flammèches rousses et noires, une gueule de lion rugissant dans la savane. Le chat observait le moindre tressaillement des fourrés. Jouant pointe de tueur, il abaissa les oreilles, se regroupant en avant sur les taches blanches de ses pattes. Un merle jaune et noir. La convoitise rétrécit ses prunelles, l'acide vert de ses yeux vira au noir, son pelage, ses taches noires se figèrent, sauf la queue qui fouetta l'air. Ça y est, il a bondi. Entre ses pattes, le merle fut plus rapide. Déjà, il tirait un trait tordu dans le ciel. Le chat bâilla de dépit, dévoilant ses canines pointues, son palais rouge, sa langue rose. Rien à faire, il n'y a rien à faire. Car je sais que c'est la peur qui a donné des ailes au merle, des yeux brillants. Je sais que c'est la violence aussi qui a dessiné les muscles fins du chat, dessiné ses griffes, ses canines, et dessiné la dentelle de ses muscles fins. Je sais que c'est la faim, la convoitise qui rend les chars si brillants. Et la guerre est comme ce printemps, cette herbe qui sort partout. Une femme, trop belle femme, tournoyant sur elle-même, ivre d'air, de mouvement. Dans sa robe de velours, elle tourbillonne, tournoie, gorge en arrière, bras écartés, tête renversée, deux lèvres rouges, ouvertes sur ses dents blanches, ses dents que Paul ne possède pas encore. La violence est une reine dans un manteau de velours émeraude, bien trop belle, qui aura toujours raison. Les nuages dessinaient une masse noire contre le rouge du couchant, si fort qu'il semblait suspendu en l'air comme un cri. Puis le disque rouge disparut, comme si toutes les guerres étaient combattues. Ainsi s'achève Paul et le chat par Anne Califfe.